Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal du 28 novembre 2017. En voici les grandes articulations. La question de formation d'un gouvernement d'union nationale qui figure sur l'agenda des négociateurs burundais à Arusha fait déjà polémique. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Pascal Nyoyahonze dès le début de ce journal. Au chapitre sécurité, deux enfants sont morts et 10 personnes ont été blessées dans un accident de roulage survenu ce matin en commune Nhangwa de la mairie de Bujumbura. Et le professeur Léonard Lumonge est mort. Son corps a été retrouvé à Bouiza, la 4e avenue. Et dans le reportage du jour, nous irons en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura, où un particulier a construit un barrage hydroélectrique sur la colline Mayemba pour le bonheur de près de 250 ménages aujourd'hui éclairés. Et nous terminerons par la chronique santé sur le goitre avec des éclairages du docteur Léonard Bibra-Goumier. Il est spécialiste en ORL, en otorhino-laryngologie. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, la question de formation d'un gouvernement d'union nationale fait déjà polémique au sein des participants au début de la session du dialogue qui se déroule à Arusha. Pour l'acteur politique Evariste Ngayimenda, c'est ce genre de gouvernement qui peut mettre en exécution les conclusions du compromis. Une idée rejetée par Jacques Guilimana du FNL et des représentants du gouvernement. L'ouverture officielle de la session du dialogue est prévue ce mardi à 16h. Pascal Nyoyahonze, depuis Arusha. Les cérémonies d'ouverture de cette session de dialogue sont prévues le soir de ce mardi, mais certains points qui feront objet de discussion, notamment la formation du gouvernement d'unité nationale, ont déjà créé des pôles au sein des participants. Pour l'acteur politique Evariste Ngayimenda, c'est ce gouvernement qui pourra rassurer les Burundais quant à la mise en application des accords. Ce n'est pas la sémantique qui importe. Pour nous, si des compromis sont dégagés, il est important qu'on se pose la question suivante. Les institutions actuelles sont-elles en mesure de les mettre en pratique? Bon, de notre point de vue, nous avons déjà, à travers les différents documents que nous avons porté à la connaissance de la facilitation et des Burundais, montrer que les institutions actuelles avaient de toute évidence une infirmité. Une infirmité qui tient à leur origine électorale de 2015. Cette idée est rejetée par Jacques Bigirimana du FNL Iragi Diagahutu. Il n'y en aura pas au novembre, mais pas en parler parce qu'il y a un gouvernement légitime issu des élections, c'est tout. Il n'y a pas de gouvernement de transition là-dessus. Moi, si on amène cela sur la table, moi je sortirai. C'est la même position pour les délégués du gouvernement du Burundi qui ne veulent pas aussi entendre le terme négociation et l'idée d'interrompre la révision de la constitution proposant plutôt le rapatriement du processus de dialogue à Bujumbura. Du côté de deux organisations de la société civile, Parsem et Olicom, leur souhait est que toutes les questions soient vidées au cours de cette session de 13 jours pour que les accords conclus soient mis en application dans les prochains jours par un mécanisme consensuel avec un calendrier bien précis. La délégation du gouvernement du Burundi est déjà sur place avec à la tête l'assistant du ministre de l'Intérieur, Terence Nairaja. Depuis Arusha, Pascal Nyoyahonze, Radio Isanganiro. Merci Pascal. Et le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation burundie de l'état de droit appelle la facilitation à reporter cette session de dialogue d'Arusha qui a débuté ce lundi. Le porte-parole de ce conseil explique que le Sénared n'est pas allé participer à cette session parce qu'il n'a pas été invité. Pancras Chimaye s'inscrit en faux contre un accord qui sortira de ce dialogue car, selon lui, les principales parties en conflit, à savoir le Sénared et le gouvernement du Burundi, ne sont pas représentées. Cette session d'Arusha qui exclut le Sénaret, cette session d'Arusha qui exclut les grandes figures de la société civile qui avaient combattu le troisième mandat, c'est une session qui ne répondra aucunement aux préoccupations du peuple burundais. Cette session ne trouvera pas une solution à la crise burundaise parce que les parties prenantes dans ce conflit sont absentes. C'est pourquoi nous proposons aux facilitateurs le report de cette session afin d'entreprendre des consultations avec toutes les parties prenantes au conflit burundais. Est-ce que le CNARED n'avait pas été invité à travers ces leaders qui figurent sur la liste des invités à cette nouvelle session? Si vous vous appelez Jean et qu'on vous appelle Pierre, est-ce que vous allez répondre? Je ne pense pas. Les positions que le CNARED défend n'auraient pas été dû être défendues avec la présence de certains de ses membres à Arusha. Dès lors qu'une facilitation devient partiale, le processus est biaisé et débouche sur un échec. Pour cette raison qu'au niveau du CNARED, nous devons préalablement négocier avec le facilitateur, négocier un agenda, négocier la parité des participants, négocier des conditions sécuritaires rassurantes qui sont en préalable pour un environnement favorable au pourparlers. Il est attendu que la quatrième session du dialogue à Arusha aboutisse à un accord. Est-ce que cet accord ne risque pas d'engager le CNARED qui n'aura pas participé à sa réalisation? Cet accord qui a été préparé, écrit d'avance ailleurs, ne trouvera pas une solution à la crise burundaise. Et pour cause, l'accord serait signé entre qui et qui, puisque le gouvernement de Bujumbura n'est même pas autour de cette table de négociation, puisque la principale partie de l'opposition, qui est le CNARED de Giriteka, n'est pas autour de cette table de négociation. Ça sera un accord entre qui et qui? Ça sera un accord sur quoi? Il n'y aura pas d'accord. C'est pour cette raison que nous avons lancé un appel solennel à la communauté internationale afin qu'elle pèse de tout son poids afin d'arrêter ce cirque et recommencer d'autres négociations où les véritables parties prenantes au conflit sont autour de la table. Pancras Chimaye, c'est le porte-parole du CNARED, de l'association des Batois, Unissons pour la promotion des Batois, Uniproba, s'indigne contre ce qu'elle appelle la discrimination des Batois à cette quatrième session de dialogue qui se déroule à Arusha. Dans un point de presse, Emmanuel Nengo, président de cette association, a indiqué que ces pourparlers en cours sont exclusifs. Les associations batois s'indignent contre la discrimination, la marginalisation et l'exclusion qui continuent à se manifester contre cette couche sociale au sud et au vide de la communauté tant nationale qu'internationale. L'absence des batois dans les pourparlers qui se tiennent actuellement à Arusha témoigne un dialogue non inclusif et cela démontre une violation flagrante de la Constitution nationale du Burundi dans son article 13 qui stipule, je cite, « Tous les Burundais sont égaux en mérite et en droit. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique. » La communauté est-africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'Union africaine et les Nations unies devraient contribuer et s'assurer de la participation des Batois à ce processus. Et c'est pour parler en cours à Arusha, déboucheront sur la signature d'un projet d'accord de toutes les parties en présence des chefs d'État de la communauté est-africaine. L'agenda de la facilitation montre qu'il y aura des occasions de discuter longuement des 8 points sur la table des négociations. Les précisions sur cet agenda des 14 jours avec Aubin Niyonguru. Après une session de prise de contact ce lundi, ce mardi, le facilitateur adresse un message à tous les participants. Des groupes de travail seront aussi constitués et feront les premières discussions. Ce mercredi, des groupes présenteront des rapports préliminaires qui seront exposés en session plénière ce vendredi. Ce samedi, il y aura présentation des projets d'accord par groupe ainsi que les discussions sur les points de divergence. À la 10e journée, soit mardi prochain, il y aura des consultations informelles pour harmoniser les positions sur le projet d'accord. Le 13e jour du dialogue, soit le 8 décembre, il y aura signature de l'accord en présence des chefs d'État de la communauté est-africaine. C'était Aubin Niyonguru. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Lancement ce mardi par le président de la République du plan directeur innovant de la ville de Bujumbura et ses alentours, Vision 2045. Ce plan directeur s'étendra de Gihanga en province Bubanza, du centre qu'est la mairie et d'une autre ville au sud dans la province Bujumbura, sur une superficie de plus de 2000 km². Ce plan directeur résulte d'une coopération Burundi-Singapour-PNUD. Gary Kony, représentant résident du PNUD au Burundi, dit être convaincu que le Burundi peut être comme le Singapour en peu de temps. Cette mégapole est à la fois la capitale urbaine, politique, sociale et économique du pays, et son rapide taux d'urbanisation cache pas mal de défis qu'il convient d'affronter et de relever pour qu'elle réponde aux attentes légitimes des citoyens et citoyennes qui l'habitent. Nous nous réjouissons aujourd'hui de l'aboutissement de ce projet, fruit d'une coopération solidaire et fructueuse entre les gouvernements du Burundi, de Singapour et le PNUD, dont l'objectif est le développement urbain de Bujumbura et ses localités environnantes. La ville de Bujumbura présente une position géostratégique clé et un réel potentiel de développement, notamment dans la filière touristique. Toutefois, son futur développement urbanistique est gonflé de menaces qui lui viennent notamment de la pression démographique de 60 000 habitants en 1962 à plus de 2 millions d'habitants projetés pour 2030, des carences énergétiques, du chômage, de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles ou encore du déficit de planification et d'occupation des sols. Le plan directeur de Bujumbura 2045 ambitionne légitimement d'apporter une réponse aux enjeux urbains potentiels et aux vices mineurs inhérents au développement même, à savoir l'embouteillage, la dégradation de l'environnement, l'étalement urbain, le chômage et la criminalité. Ce projet s'inscrit dans le canevas d'une coopération sud-sud du PNUD et s'agrémente de l'expertise technique de Singapour au profit des habitants de Bujumbura. Le cœur de ce mécanisme de coopération sud-sud avec Singapour s'irrigue de l'assistance technique des services de consultants et du partage des bonnes pratiques de Singapore Cooperation Enterprise. Je reste convaincu que le Burundi peut être un Singapour d'Afrique en l'espace d'une génération. Il s'agit seulement pour le gouvernement et les partenaires de se serrer les coudes pour gagner ce formidable pacte. Gary Kony, représentant résident du PNUD au Burundi. Sécurité, deux enfants sont morts sur le champ et 10 autres personnes blessées. C'est le bilan d'un accident de roulage qui s'est produit ce matin dans la commune de Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Également, un certain Rumonge Léopold a été retrouvé mort ce matin dans le quartier Bouiza, la 4e avenue au numéro 87. Le porte-parole de la police nationale dit qu'il a été retrouvé mort dans une. Il aurait été retrouvé dans une maisonnette d'une femme qui a été arrêtée pour enquête en commune de Gisagara, la province de Chankuzo. 12 tonnes de café en destination de la Tanzanie ont été saisies la nuit de ce lundi. Suivez les précisions de Pierre Mourikiye, il est porte-parole de la police nationale. La situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République, mais il y a quelques 4 cas d'insécurité qu'on peut signaler. Et premièrement, il y a eu aujourd'hui vers 1h30 sur la colline Nyuro, en commune de Gisagara de la province de Chankuzo, il y a eu arrestation des personnes à bord d'un véhicule, d'un camion, un camion qui était chargé de 12 tonnes de café en destination de la Tanzanie, un café qui était fraudé. Le chauffeur et son convoi ont été appréhendés sur le champ et le café saisi. Et tandis que le propriétaire qui est un commerçant d'Ongozi qui s'appelle Pascal a pu s'échapper, il est activement recherché par la police. Donc, le message ici, c'est de rappeler que la fraude du café, la fraude des minéraux, la fraude des sucres, toutes les personnes qui sont impliquées dans cette fraude sont considérées comme des ennemis du pays. Et donc, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit la population, tout le monde doit y mettre tout le paquet pour que ces grands criminels soit appréhendé et traduit immédiatement devant la justice. Le deuxième cas, c'est un accident de roulage qui est survenu à l'endroit appelé communément Komatafari, c'est à l'entrée de la capitale Bujumbura, sur la route nationale numéro 1. C'est véhicule qu'on appelle des camionnettes double cabine. Il y a eu un défaut de freinage, il a cogné des gens, et donc on déplore 2 enfants qui sont morts sur le champ et 10 blessés qui ont été évacués par la police. C'était aujourd'hui à 7h du matin. Le troisième cas, c'est des armes et autres objets qui ont été saisis hier vers 4h du matin chez un certain Bavugima Anatarsis qui a été également appréhendé. Les saisies sont donc constituées par des cartouches, 2256 cartouches du fusil de type Kalachnikov. Et il y a eu aussi saisi 5 plaques d'immatriculation pour les motos, mais aussi 14 pièces d'ivoire. Et la personne qui avait été emprisonnée à Rumonge pour détention d'armes en 2012, il n'y a pas d'autres indices qui montrent son passé, mais la police la soupçonne déjà d'appartenir à des groupes de bandits qui volent de part et d'autre de la frontière avec la Tanzanie. Il a été immédiatement remis à la justice pour qu'il retranche sur son cas. Pierre Mourikiye, c'est le porte-parole de la police. Certaines personnes vivant avec le VIH-Sida notent une évolution en matière de traitement de cette maladie. Cela est confirmé par Théophile Sakoubou, vivant avec le VIH-Sida depuis 25 ans. Il indique que la prise de médicaments est passée de 6 comprimés à un seul ou deux, ce qui encourage les malades à continuer de prendre le traitement. Suivez le Sakoubou Théophile au micro d'Alida Ndaïket. J'ai fait le test de dépistage volontaire du VIH en 1992. Le résultat était positif et à ce moment-là, je suis resté là comme il n'y avait pas de médicaments contre le VIH. J'ai commencé à prendre le traitement ARV en 2000. Votre traitement était composé de combien de comprimés? Le traitement était composé de comprimés, c'est-à-dire que je prenais 3 le matin et 3 le soir. C'était compliqué, c'était beaucoup. Par exemple, si je devrais passer quelque part le soir, c'est-à-dire que je devrais les porter sur moi. Et maintenant, vous prenez quel type de traitement? Je prends 2 comprimés, c'est-à-dire que je les prends le matin à 7h et c'est fini. Si j'ai un voyage, si je dois loger à l'intérieur du pays par exemple, je pars avec les 2 comprimés que je prendrai le matin. Et quels sont les avantages liés à ce traitement qui a évolué? Les avantages, c'est qu'il y a eu diminution de la quantité des comprimés, il y a aussi la diminution des prises et actuellement c'est normal, c'est simple, c'est très facile. Il est 13h13 à Bujumbura. Théophile Sakoubou s'exprime au cours de cette semaine dédiée à la lutte contre le sida. Les professeurs assistants à l'Université du Burundi doivent passer un concours d'entrée comme tout autre candidat au programme de master conformément à la législation en la matière. Cela a été dit ce mardi par le recteur de l'Université du Burundi lors du début du concours d'entrée à ce programme. S'exprimant sur la prise en charge des frais académiques pour les assistants qui auront été retenus pour le deuxième cycle, Juvenal Banyankimbona dit que cette question fera objet de dialogue entre les intéressés. Suivez. Les assistants souhaiteraient savoir en fait s'ils doivent payer des frais alors que ceux qui ont la chance d'aller à l'étranger ne payent pas ces frais. Là, je ne reviens pas, vous avez dit, c'est sur le financement du gouvernement, les financements pour les bourses à l'étranger, ils sont diversifiés. Ce n'est pas forcément des fonds du gouvernement. En tout cas, je pense que n'importe quel employeur souhaiterait renforcer les capacités de ses employés pour améliorer la production. Et l'Université du Burundi ne fait pas exception. Et donc, c'est notre souci également que de pouvoir renforcer les capacités de notre personnel, surtout pour les assistants et maîtres assistants. Mais comme cela appelle à un financement et que nous, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, nous sommes une institution publique qui utilise des fonds publics. Vous comprenez que ce n'est pas une décision que l'on peut prendre librement et rapidement comme ça, sans avoir eu une orientation claire de notre bailleur. Comme j'ai toujours dit aux assistants et maîtres assistants, ce n'est pas une résolution d'une équation de mathématiques directe, mais c'est plutôt une approche de dialogue. On doit rester en permanence dans un dialogue qui va nous conduire finalement à un terrain d'entente qui pourra être appliqué. Il y a une ordonnance qui nous dit que chaque candidat doit passer un concours. Et je pense qu'on a respecté le cadre légal et on essaie d'être le plus équitable possible. Par ailleurs, eux qui sont restés à côté de la matière, je pense qu'ils ne doivent se faire aucun souci par rapport à la réussite. C'était Gaspard Banyankimbona, recteur de l'Université du Burundi et non Juvenal, comme je le disais tout à l'heure. Et certaines personnes utilisant les réseaux sociaux dans la ville de Ruyigi disent que ces derniers véhiculent des fausses informations qui sèment la zizanie et la panique au sein de la population. À cet effet, il conseille aux utilisateurs des réseaux sociaux à ne pas transférer des messages reçus quand on ignore les objectifs visés par leurs émetteurs. Jean-Claude Chemiliman. Selon le témoignage de certains des habitants de la ville de Ruyigi, des messages de haine passaient sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, surtout WhatsApp et Facebook, passaient souvent des messages qui sèment la panique, de fausses informations, ce qui cause des problèmes dans la communauté. Ces messages sont fréquents, surtout pendant des périodes de conflit. En ce moment, des messages sèment la zizanie entre les gens en les appelant aux tueries, aux malfaisances. Quiconque reçoit des messages, il devrait se retenir pour éviter de transférer des messages au risque de semer la zizanie entre les gens. On reçoit un message, on ne sait pas si l'information est vraie ou fausse, et spontanément, quelqu'un le transmet à ses amis, aux personnes qu'il croit aimer. Si on reçoit un message, il faut d'abord vérifier sa véracité ou non. Même s'il s'agit d'une vérité, il n'est pas bon de transférer le message à d'autres, puisqu'on ignore ses retombées négatives. Je leur conseillerais de prendre des messages pour des secrets personnels, parce qu'il y en a qui sèment la panique. Même à partir d'un entretien de personnes, quelqu'un peut trier ce qu'il peut donner comme message alors que c'était un simple échange. Même quelqu'un peut faire un montage et le transmettre, ce qui est bon pour moi. Avant de transférer un message précis, il faut d'abord chercher à savoir sa signification, son objectif visé, et si cela ne peut avoir de conséquences négatives sur l'un ou l'autre. Néanmoins, tous ceux qui se sont exprimés s'accordent à dire que les réseaux sociaux restent un moyen de communication par excellence pour des personnes averties. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique. La chronique santé ce mardi nous parle du goitre, qui est une augmentation visible et palpable de la glande thyroïde. Le manque d'iode est la cause principale du goitre, selon Dr Léonard Viva-Goumier, spécialiste en otorhino-laryngologie. Le goitre est une maladie qui guérit, même si des fois elle nécessite une opération chirurgicale. Le point avec Francine Diokougaï. Le goitre se caractérise par l'augmentation du volume de la thyroïde. Cette dernière sécrète des hormones dont le rôle est de réguler l'organisme, selon le spécialiste en otorhino-laryngologie, Dr Léonard Vivahagoumier. C'est une maladie qui se développe au niveau de la glande thyroïde. La glande thyroïde étant une petite glande qui se trouve à la face antérieure du cou, qui sécrète les hormones thyroïdiennes. Le goitre a plusieurs causes, dont la plus commune, c'est un manque d'iode, matière première qu'utilise la glande thyroïde pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le docteur Vivahagoumier nous explique d'où provient ce manque d'iode. L'iode, c'est un élément qui se retrouve généralement dans le sel de table. Le sel de table que nous utilisons actuellement au Burundi, c'est un sel exclusivement iodé, sauf si c'est du sel qui est rentré par des voies non connues. Autrement, il peut y avoir un manque d'iode par un défaut de captation en raison de la prise de certains aliments comme le manioc et ses dérivés comme différents types de choux, les arachides, les cacahuètes, le soja, la patate douce, le fait de fumer aussi, c'est un facteur favorisant. Il existe plusieurs types de goitre, chacun avec ses signes révélateurs. Soit parce que vous avez une augmentation anormale du taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang, on dit que les gens sont en hyperthyroïdie, on peut retrouver des signes cardiovasculaires. On retrouve quelqu'un qui s'alimente normalement mais perd du poids, quelqu'un qui est nerveux de façon anormale et parfois en fonction du type d'affection, on peut retrouver aussi des signes oculaires avec des yeux qui ont tendance à sortir de leurs orbites et au contraire, on peut avoir une hypothyroïdie. Cette fois, c'est un taux d'hormones thyroïdiennes anormalement bas. On retrouvera quelqu'un qui a plutôt un caractère asthénique comme s'il était faible avec un manque d'appétit qui contraste avec une prise de poids par œdème avec un gonflement ou fissure du visage ou œdème des membres, il existe des signes de goitre qui sont liés à sa position et à ses dimensions. On peut retrouver des troubles de la phonation, des troubles de la déglutition. On peut aussi et surtout avoir des difficultés respiratoires. Les personnes les plus atteintes par le goitre sont les femmes, selon toujours le docteur Vivar Goumier. Les femmes sont beaucoup plus touchées par le goitre pour une raison de physiologie du corps, parce qu'il existe une interférence des hormones femelles dans le fonctionnement de la glande thyroïde. Pour cette raison, le gros des personnes atteintes sera constitué par des femmes en période d'activité sexuelle. Le traitement du goitre dépend de sa cause, mais dans certains cas, la chirurgie s'avère nécessaire et les résultats sont positifs si le sujet est pris en charge à temps. Le docteur Léonard Vivar-Goumier nous en parlera dans notre prochaine chronique santé. À la source, reportage. Je l'avais annoncé dans les titres, les habitants de la colline Mayemba, en commune Nyabiraba de la province Bujumbura, se réjouissent du travail réalisé par un certain Pérez Niyonsaba. Il s'agit d'un homme qui leur a construit un barrage hydroélectrique. Les ménages qui sont éclairés sont actuellement estimés à 250. Beaucoup d'activités qui exigent le courant électrique sont réalisées. La population de Mayemba demande que Pérez soit soutenu dans ses projets d'électrification en milieu rural. Ce reportage est signé Léon Suitario. Sur la rivière Gisenyi, en aval du chef-lieu de la zone Nyabibondo, c'est dans la commune Nyabiraba, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bujumbura, Pérez Niyonsaba y a érigé un barrage hydroélectrique, sa capacité 20 kW. Différents groupes sont éclairés. Il y a les ménages. Mumihana yo mu misozi ni migwi myinshi rukwayo abandi nabo na ma centre de santé amashengero na ma boutique n'ububare ama salon de coiffure. L'ingénieur Pérez se réjouit de son travail, le nombre de ménages éclairés s'estimant en centaines. Au centre dit Turangure, une localité de la colline Mayemba, nous avons baladé notre micro, notamment devant le coiffeur Ezekiel et son client, les détenteurs de bistrot Janvier et Bonaventure et les consommateurs de boissons, mais également auprès de Janine Harelimana, une infirmière au centre de santé d'Ukile. Tous apprécient les réalisations de Pérez Niyonsaba, lui demandant d'aller encore de l'avant. À l'état actuel des choses, les enfants étudient normalement la nuit, les cas de vol les soirs ont sensiblement diminué, etc. Claver Ndiwenu Muryango, le chef collinaire Mayemba, s'en réjouit. Le barrage de Gisenyi dans Nyabiraba est le sixième des œuvres de Pérez qui a investi jusqu'ici dans les provinces de Bujumbura et Cibitoke. Trois sont fonctionnels, les trois autres sont aujourd'hui en chantier. Merci Léon Subitario pour ce reportage qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Un bon après-midi. Jean Bosco, Ndouimana.